Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre la première tranche des infos. Nous commencerons volontiers par Colombe Auto École. Cette offre de permis de conduire nous est comptée ici par notre bien-aimé frère Alfred Dan. Comment ça se passe, Alfred? Bonjour. Bonjour frère Ikio, bonjour à nos auditeurs. Il faut dire que ça se passe très bien. Et il y a des auditeurs qui continuent encore de nous appeler pour nous demander est-ce que ça continue parce qu'ils sont encore intéressés, ils veulent s'inscrire. Alors je suis là pour rappeler que la période continue toujours, les prix sont à 95 000 francs, nous n'avons pas encore changé les tarifs. Donc venez vous inscrire à la radio Fréquence Vie à 95 000 francs et l'inscription c'est à partir de 50 000 francs avec la pièce d'identité, photocopie de sa pièce d'identité, l'attestation d'identité ou bien la carte consulaire pour les étrangers. D'accord. Alors, il faut dire que ça continue de courir, cette promotion de permis de conduire à 95 000 francs, payable ici à la Radio Fréquence Vie, et aussi les inscriptions ici à la Radio Fréquence Vie. Suivez les cours à Colombe Auto-École qui est située à Yopougon. Qui est située à Yopougon, en Anérem, en face du supermarché Royaume des Prix. Maintenant, concernant les cours, pour ceux qui ne sont pas à Yopougon, ou bien qui sont à Yopougon, mais qui sont loin du quartier en Anérem, vous nous appelez et nous allons vous dire comment vous pouvez avoir les cours tout près de chez vous, ou même à domicile ou bien dans vos bureaux. Parce que tous ceux qui sont venus de Bassam, de Divo ou bien de l'intérieur du pays qui ont participé à cette opération ont fait la même chose ou bien qui sont dans les communes qui sont loin. Alors nous invitons la population à participer à cette opération. Ça concerne toutes les catégories de permis, c'est-à-dire A, B, C, D, E. 95 000 francs payables à partir de 50 000 francs à la radio Fréquence Vie. Vous nous appelez pour un souci des coûts. Nous allons vous dire comment vous pouvez prendre les coûts sans pouvoir vous déplacer. Alors le numéro de téléphone que je vous communique est le 40 42 04 03. Appelez-nous pour toute information complémentaire. Très bien. Voici donc les numéros de téléphone qui ont été donnés. C'est à vous de composer et puis vous aurez au bout de fil quelqu'un pour vous donner toutes les informations relatives à la tenue de ce programme qui est l'offre de permis de conduire. Le serviteur de Dieu Sanogo Ousseine, lui, nous vient de l'église ambassade des miracles de Bishop Ouattara Mohamed Ministré, hein, c'est ça. Ouverture d'un camp de prière. Le serviteur Sanogo, je l'ai dit, est ici pour nous préciser que c'est pour ce samedi 15 février 2020. Et pour les détails, on écoute notre invité sur ce plateau. Bonjour. Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Nous sommes là effectivement pour annoncer une bonne nouvelle au peuple de Dieu. Disons que le bishop Ouattara Mohamed Idriss a jugé bon et utile aujourd'hui de mettre à la disposition du corps de Christ un camp de prière qui est disponible pour tout le corps de Christ, tous les chrétiens qui sentent un besoin de délivrance, de prière, qui ont besoin d'approfondir leur relation avec Dieu, qui ont besoin de communion, qui ont besoin d'aller en eau profonde. Ce camp de prière est disponible pour tous. Donc, nous sommes là pour dire que ce camp verra son inauguration ce samedi 15 février à 14h. Le D'accord. camp est situé à Abidjan, Cocody, deux plateaux, au carrefour d'un camp Route du Zoo. D'accord. Route du Zoo, et vous l'avez baptisé Clinique Spirituelle. Clinique Spirituelle Miracle. D'accord. Clinique Spirituelle Miracle. C'est donc le camp des prières qui ouvre ses portes ce samedi 15 février 2020. Quels sont ceux que vous attendez à cette clinique spirituelle? Nous sommes là donc pour lancer un appel et pour inviter tout le corps de Christ, les serviteurs du Dieu, les pasteurs, les chrétiens. En fait, tout le monde est invité ce jour-là à partir de 14h à cette inauguration-là. Le but donc, c'est de faire comprendre au corps de Christ que ce camp se veut interconfessionnel, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à une communauté, ça appartient à tout le monde, à tous les chrétiens. Voilà. Okay. Et donc, le programme pour ce camp-là, il s'agit des temps de prière, de délivrance, des cures d'âme, des actions prophétiques, des réceptions individuelles, des enseignements. Voilà. D'accord. Donc, si vous voulez chercher la face de Dieu, vous attendez c'est une le réponse, lieu, une requête. Hein. Voilà, c'est le lieu donc de vous rendre dans ce camp. Et puis, je suis sûr que vous sortirez certainement avec une réponse. D'accord. Il y a un seul contact que nous allons laisser, c'est le, pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, plus 225 59 200. Je répète, plus 225 59 200. C'est pour ce samedi 15 février à 14h00. Très bien. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, Sanogo Ousseine, d'être passé ici annoncer l'ouverture de ce camp de prière à l'église ambassade des miracles située aux deux plateaux, carrefour d'un camp. C'est au fait la clinique spirituelle miracle que vous êtes venu. Oui, le camp n'est pas à l'intérieur de l'église. Ah, d'accord. Le camp est à proximité de l'église. À côté, disons. Voilà. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Voilà, nous allons maintenant recevoir une servante de Dieu, servante Fleur Maryse Kouamé. C'est bien cela, hein? C'est cela. C'est une concert, donc, la voix de l'espérance pour annoncer la grande veillée des prières dénommée Veillée Gethsémanie. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, les nouvelles sont bonnes, hein? Très bonnes. Elles sont très bonnes. Et je suis là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour annoncer cette grande veillée qu'organise la Voix de l'Espérance. Oui, Gethsémanie est une émission qui se tient à la Voix de l'Espérance et nous le faisons comme ça chaque trimestre, une grande veillée, c'est-à-dire d'accord, un programme. Chaque trois mois, voilà. Vous tenez la veillée Gethsémanie. Gethsémanie. La participation est gratuite. Hein. La participation est gratuite et c'est pour la Côte d'Ivoire. Toute c'est confession oui. religieuse, tout le monde, c'est pour tout le monde. Voilà. D'accord, c'est pour tout le monde. Et cette fois-ci, ça va se tenir où? À Yopougon, BAE, Toit Rouge. D'accord, Yopougon. Au stade de la BAE. L'entrée est libre et gratuite. L'entrée est gratuite. Est-ce qu'il y a des chantres qui seront au programme? Oui, il y aura des chantres surprises. Mais il faut dire que la particularité de cette veillée, déjà, elle se tient le 14 février. Ah, d'accord. Le monde va célébrer quelque chose. Ah oui. On invite tous les Ivoiriens à venir à la rencontre de l'époux. Tu vois, c'est la soirée de l'amour. Aller en couple. Venir rencontrer celui qui sait sceller l'union. C'est une veillée de grande révélation. Donc, j'invite tous les Ivoiriens, ceux qui sont en quête de bien-aimés, ceux qui sont déjà en couple. C'est un soir où le Seigneur va manifester c'est l'occasion. Puissance. Voilà. Et c'est à juste titre, servant de Dieu, que vous avez choisi le thème « Intimité avec Christ, gage ». Des réussites. Alléluia. Réussite dans tous les domaines, bien réussite sûr, professionnel, marital, conjugal. Et l'orateur, c'est révérend pasteur. Notre révérend pasteur Baté Koudou. Voilà. Et tout le monde est invité, surtout oui, que c'est gratuit. Nous aurons quatre orateurs. Et je fais partie même des oratrices. Ah, d'accord. Oui, la servante de Dieu, Fleur Maryse Kouamé. Ah, ça sera un temps fort. Je prie que tout le monde se rende au stade de la BAE. Quels sont vos numéros de téléphone? Le numéro de téléphone, 08 11 73 49. On va répondre. 08 11 73 49. Et après le 05 88 88 80. Pour certaines personnes qui ne maîtrisent pas Yopougon, peuvent déjà appeler. Appeler à partir de 19h-20h pour qu'on puisse vous situer. Voilà. La veillée se tiendra à Yopougon, Toit Rouge, au stade de la BAE, de 22h à l'aube. Voilà. D'accord. Merci, servant de Dieu, Fleur Maryse Kouamé, d'être passé, donner cette information très capitale. Merci beaucoup. Allez, le Seigneur vous que accompagne. Dieu nous bénisse tous. Bonheur conjugal. C'est le dimanche 23 février à la cantine du groupe scolaire protestant au CSP Cocody, juste en face du CHU, que va se tenir ce grand rassemblement qui a pour thème « Sur ta parole, je jetterai le filet » tiré de l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 5. Alfred, dans notre bien-aimé, est sur ce plateau pour nous parler donc de ce grand moment qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Bonheur conjugal de cette année va réitérer encore en faisant une modification. Alors, il faut le préciser, pour ceux qui ne sont pas venus depuis le début de l'année, nos rencontres sont mensuelles et pour ce mois, la rencontre aura lieu le dimanche 23 février 2020 à partir de 16h. Le lieu, c'est la cantine de l'école méthodiste en face du CHU de Cocody, au lieu de CPE dans lequel nous avons l'habitude de nous réunir. Alors, pourquoi les rencontres de bonheur conjugal pour ceux qui ne le savent pas? Cette rencontre est pour aider ceux qui veulent trouver leur âme sœur à avoir des orientations qui peuvent les aider à atteindre cet objectif. Nous aidons aussi les fiancés dans la préparation au mariage et les couples mariés à expérimenter l'harmonie conjugale. Cette année, les rencontres de bonheur conjugal se tiendront une fois par mois, non chaque dimanche comme ce fut dans le passé. Pour ce mois de février, nous nous retrouverons le dimanche 23 février 2020 à 16h à la cantine de l'école méthodiste en face du CHU de Cocody. Sur le thème « Sur ta parole, je jetterai le filet » selon Luc 5, verset 5. Alors, que dit cette parole? Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit et n'ont rien trouvé. C'est alors que Jésus est venu pour transformer leur échec en succès. Il leur a donné cet ordre, avancer en pleine eau et jeter le filet. Pierre répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ce thème va aider chaque participant à savoir que là où il a échoué à maintes reprises, le succès est possible grâce à l'intervention du Seigneur Jésus. mais nous devons savoir poser des pas de foi comme l'a fait Pierre. Notre orateur sera notre papa, le révérend Dieudonné Ngoubi, et nous allons nous rencontrer ce 23 février à partir de 16h. Très bien. Rendez-vous donc dimanche 23 février sous le coup de 16h. Et à cet effet, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir d'autres informations, il y a le numéro de téléphone que Alfred va nous laisser. Oui, il faut nous appeler au 07 95 02 94. 07 95 02 94. Ce n'est pas au CPE comme d'habitude, mais plutôt à la cantine de l'école méthodiste en face du CHU de Cocody. Merci. Merci Alfred et surtout bonne journée. Hein. C'est au tour du pasteur Ferdinand Boué du MDRAM maintenant de nous annoncer ce moment de délivrance qui est prévu du 18 au 21 février 2020 au Centre évangélique des miracles. Bonjour pasteur Ferdinand Boué. Bonjour Joseph, shalom aux auditeurs. Tout à fait, ce grand moment de délivrance aura bel et bien lieu déjà à partir de la semaine prochaine. Et un grand thème qui va nous réunir ce jour, c'est connaître et vaincre les tempêtes du désert. Vous savez que quand Dieu, de par le canal de Moïse, a fait sortir le peuple de Dieu et qu'ils étaient dans le désert, d'autres ont commencé à murmurer, d'autres ont commencé à tenter Dieu, d'autres ont commencé à faire des choses qui n'ont pas honoré le nom du Seigneur. Et Dieu les a éliminés dans le désert. Ces personnes n'ont pas vu la gloire de Dieu, ces personnes n'ont pas pu entrer à Canaan. Et ce thème, connaître et vaincre les tempêtes du désert, seront traités par deux orateurs de taille, le prophète Niazali Dieu, qui est le président fondateur du ministère de la délivrance et du rachat des âmes, et le pasteur principal du Centre évangélique des miracles, et son collègue Timothée Mutombo, qui nous vient de la France, quelqu'un aussi que Dieu a mandaté dans le domaine de la délivrance pour aider le corps de Christ. Et ça va se faire du mardi 18 au jeudi 20 février de 18h30 à 21h au Centre évangélique des miracles, suivi d'une grande veillée le 21. Ok. La grande veillée suivra donc le 21 février pour permettre à quelqu'un d'être édifié. Tout le monde est appelé à effectuer le déplacement jusqu'à ce lieu du MDRAM pour participer à cette grande veillée. Alors, pasteur Ferdinand, avant de vous en aller, qu'est-ce qui reste juste avant les numéros de téléphone? Je vais inviter le corps de Christ. Allez-y. Je vais inviter tout le peuple de Dieu à venir pour que ensemble nous adorons Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est des personnes qui sont expérimentées, c'est des personnes qui peuvent nous aider à marcher au pas du géant, à entrer dans nos bénédictions. Et je vais inviter tout le monde à venir. Et pour toutes les personnes qui veulent participer à ce programme, rendez-vous seulement au feu de Faya. Les cas seront disponibles pour faire la transaction entre l'église et le carrefour Faya. Et nous sommes joignables au 47 65 52 06. Je reprends, au 47 65 52 06 ou au 40 44 67 15. 40 44 67 15. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé pasteur Ferdinand Boué, venu du MDRAM pour nous donner cette information très, très capitale. Au revoir. Geste Mané, 11e édition. C'est avec l'apôtre Gila, Régis Joseph. C'est pour parler d'intercession, de prière, de combat, de réveil spirituel. Le prochain rendez-vous, samedi 15 février 2020. Et c'est gratuit en tout cas. Bonjour à vous. Bonjour Ikio. Nous saluons les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Effectivement, nous sommes là ce matin pour rappeler au peuple de Dieu que la 11e édition de Gestemané aura lieu ce samedi 15 février 2020 à partir de 8h30. Je rappelle que Gestemané, c'est 10h dans la présence de Dieu, 8h30, 18h30. Quel que soit le temps qu'il fera, Gestemané aura lieu. Le thème de la 11e édition, c'est « Mes géants tomberont devant moi », tiré de 1 Chronique 20, du verset 4 à 7. Et nous sommes là pour parler de saison. Nous sommes dans le printemps et la Bible nous enseigne que c'était la période où les rois d'Israël allaient en guerre. Et nous, nous croyons que par le sacrifice de Christ, nous sommes des rois et que c'est le temps pour nous d'aller en guerre. Et l'Ecclésiaste nous a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et donc, par rapport au texte que nous avons choisi, nous voyons qu'il y a trois types de géants qui n'ont pas été exterminés. Et c'est justement à travers les chroniques que nous voyons qu'il y a eu des combats et que ces géants sont tombés après que David ait renversé Goliath. Nous voyons que Goliath avait des frères, ainsi de suite. Donc, pour parler de géants, ça peut être un être spirituel, ça peut être l'homme fort de ta famille, ça peut être une situation qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer. Donc, quel que soit ce que tu ressens comme obstacle, tu dois venir pour que, en cette nouvelle saison, nous puissions faire tomber ces géants-là. Et je rappelle que quand nous parlons de saison, tout comme les fruits, hein, chaque saison a ses fruits, chaque saison a ses bénédictions. Zacharie 10, verset 1,